بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 13 Rajab 1444 de l'Hégire, correspondant au 4 février 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'entamer une nouvelle série de cours qui ne sera pas longue, seulement quelques cours, mais dont le sujet est extrêmement important, car le sujet de notre étude sera, bi'idhnillahi ta'ala, un des plus précieux épître de Cheikh l'Islam, le grand imam revivificateur de la religion de l'Islam, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, na'am, car il est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Cet épître s'intitule Fadlul Islam. Donc, on ne va pas s'attarder sur la biographie de l'auteur de cet ouvrage, car il est très connu, bi'idhnillah, pour vous tous. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer par le premier chapitre. Cet ouvrage qui est composé de 13 chapitres. 13 chapitres dans lesquels il a parlé des mérites de l'islam, de quelques-uns, bien évidemment, des mérites de l'islam, et il a parlé de son obligation, l'obligation d'entrer dans la religion de l'islam pour toute personne, qu'il soit homme ou femme, parmi les hommes, comme parmi les djinns, qu'il soit libres ou esclaves, tous, ils doivent entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala obligatoirement. Ils doivent soumettre leur face à leur créateur et suivre son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait un chapitre dans lequel il a expliqué l'islam et il a parlé de d'autres sujets qui sont tous en lien avec l'islam authentique et tout ce qui vient tacher cette pureté de l'islam, comme les innovations qui ont été introduites dans la religion alors qu'ils n'en font pas partie. Et il a terminé ces 13 chapitres par un chapitre dans lequel il a parlé de l'étrangeté de l'islam et du mérite de ceux qui se cramponnent à l'islam quand il devient étranger. Et il a fini par la mise en garde contre toutes les innovations. Donc, dans le premier chapitre dans lequel il a parlé des mérites de l'islam, il a dit « Bah, bismillahir rahmanir rahim ». Il a commencé cet épître par le basmala, comme le font les imams, en suivant le prophète, en suivant tout d'abord le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par le basmala dans toutes ses sourates, à l'exception de sourate Tawba. C'est pour ça qu'ils ont divergé. Est-ce que Tawba est une sourate indépendante ou elle suit sourate l'Anfal? Et aussi, en suivant la sunna des prophètes, à l'instar de Sulayman alayhi salam, dont on a la preuve dans le Coran al-Karim, quand il a envoyé son livre à la reine de Saba, il a commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et également notre prophète alayhi salatu salam, il commençait ses livres qu'il envoyait aux hommes, yani aux dirigeants des pays et aux gens importants, il est commencé par le basmala. et ce qui est rapporté comme hadith pour le commencement avec le masbala, ils sont pas authentiques. Donc il a dit Babu Fadl l'Islam, chapitre du mérite de l'islam. L'islam, mes frères, comme vous savez, il a deux usages, ce terme. Islam, qui signifie soumission à Allah, c'est pour ça on dit musulman et on dit pas musulman. Car musulman, ça a un sens, le sens de la soumission. Donc l'islam, il a un sens général qui englobe la religion de tous les prophètes et messagers, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier d'entre eux, le sceau et le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après lequel il n'y aura plus de prophètes ni messagers. Et il a un sens spécifique qui désigne la religion avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, qui est identique à tous les messages qui l'ont précédé dans son fondement et dans sa base, qui est l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à lui vouer un culte exclusif. Mais chaque prophète avait une législation adéquate à son peuple et à son époque, jusqu'à cette dernière législation de l'islam, qui est la plus parfaite et la plus complète de toutes les législations, car elle sera valable jusqu'à la fin des temps. Et dans cette législation de l'islam, pour celui qui a l'ilm, il pourra trouver solution à tout problème que rencontre l'humanité. Et elle ferme les portes de tous les égarements et de toutes les déviances. C'est pour ça même des choses qui ont été autorisées dans les législations précédentes, qui ont été la cause de grands égarements, malgré que ces choses-là sont permises à la base. Et ça, c'est ce qu'on appelle Sadduddhara'i'a. Fermer toutes les portes qui peuvent mener vers le mal, même si ces choses sont autorisées à la base. Dans les législations d'avant, comme dans la législation du peuple de Nuh, alayhi salam, c'était autorisé de fabriquer des statues. Et c'était autorisé de faire des images. Et comme dans la législation de Yaqub, alayhi salam, c'était autorisé de se prosterner, yani devant une créature, une prosternation de salutation, mais qui n'arrive pas jusqu'à la prosternation que nous faisons dans la salat, bien évidemment. Mais le fait de s'incliner devant la personne, ça c'était autorisé. Et après, ça a été interdit dans notre religion. Et ça ne se doit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Également les statues, les images, toutes ces portes-là ont été fermées dans cette législation. La législation avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, wa qawlullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion, c'est-à-dire comme unique religion. Wa raditu lakum al-islam dina. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Dis, Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion, je n'adore point, quant à moi, je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui reprendra vos âmes. Donc, par rapport au premier verset dans Sourate Al-Ma'ida, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, aujourd'hui, j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. L'imam Sa'di dans Tafsir, il dit, dans le sens, il dit, yani, par ce verset, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, c'est pour ça que le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sont suffisants, toute la suffisance dans toutes les règles de la religion, dans les fondements et dans les branches. Chaque personne responsable, chaque musulman qui prétend que il est indispensable pour les hommes dans leurs croyances et dans les règles de leur religion. Il est indispensable pour eux autre science que la science du livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, comme la science du kalam, ce qu'ils appellent ilm al-kalam, cette science qui est basée sur la philosophie grecque. Celui qui prétend qu'il est indispensable pour eux dans leur croyance et dans leur religion, autre science que la science du livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, alors c'est un ignorant et sa parole est caduque. Car cette parole, elle contredit le fait que la religion soit complète et parachevée. Car l'Asha'ira, comme vous savez, ils prétendent qu'il est indispensable pour vérifier le tawhid de connaître la science de l'kalam. C'est pour ça la science de l'kalam, pour eux, c'est ce qu'ils, ça revient à la science de l'aqida, de la croyance. Ils prétendent que la croyance, elle se fait d'abord avec la raison, avant qu'elle ne soit basée sur les textes. Et celui dont la croyance n'est pas basée sur la raison, pour eux, sa religion n'est pas valide et sa croyance est invalide pour la majorité d'entre eux. Donc celui-là, c'est un ignorant et sa parole est caduque, car la religion a été parachevée dans les croyances comme dans les règles de toutes les législations de l'islam. Allah Azza wa Jalla dit ensuite, wa atmamtu alaykum ni'mati. Je vous ai comblé de ma faveur tout entière. Je vous ai comblé de ma grâce apparente et cachée. Les bienfaits d'Allah sur nous qui sont apparents et qui sont cachés. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Allah nous a choisi comme religion l'islam et il l'a agréé pour nous. Alors il faut qu'on s'y accroche et qu'on soit reconnaissant à notre Seigneur et qu'on le loue sur ses bienfaits, notamment le fait de nous avoir comblés avec la meilleure et la plus noble et la plus parfaite des législations. Fin de sa parole. Dans le deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant à son noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des vertueux et le meilleur des fils de Adam, toujours dans le tafsir de Sa'di, par rapport à ce deuxième verset. Allah dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي. Dis, ô vous, hommes, si vous êtes dans le doute au sujet de ma religion. C'est-à-dire si vous êtes dans le doute et la suspicion. Sachez que moi, donc c'est un discours au prophète, alayhi salam, Allah lui dit, dis-leur, si vous vous êtes dans le doute, sachez que moi, je suis pas dans le doute avec toute la science qu'Allah m'a octroyée, la science qui mène vers la certitude que cette religion est la religion de la vérité. Et sachez que à quoi vous appelez, وَأَنَّمَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ بَاطِلٍ. Et à quoi vous appelez en dehors d'Allah est caduque. Et j'ai de nombreuses preuves claires et arguments évidents sur cela. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit, فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Je n'adore point, quant à moi, ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Car moi, je suis sur la certitude et je suis sur la vérité avec les preuves évidentes et les arguments éclatants. فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Comment je vais adorer ceux que vous adorez en dehors d'Allah? Moi, j'adore la seule divinité qui mérite l'adoration. Je n'adore ni les idoles, ni les émules que vous adorez, vous, en dehors d'Allah, car elles n'ont pas créé, ni octroyé de subsistance, ni géré quoi que ce soit dans cet univers. Au contraire, elles sont créées. Et souvent, ces idoles, comme Bouddha et autres, souvent, elles sont des créatures de l'homme lui-même. C'est lui qui les a créées. C'est lui qui les a fabriquées. Donc, il n'y a rien en elle qui mérite qu'elle soit adorée en dehors d'Allah. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. Mais j'adore Allah qui reprendra vos âmes. Allahu Akbar. Le Coran, subhanallah, quand tu le médites et quand tu le lis avec tafsir, c'est une des plus grandes causes, si c'est pas la plus grande, qui augmente la foi. Car tu vois la vérité avec ses arguments. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. Mais j'adore Allah qui reprendra vos âmes. C'est Allah qui vous a créé. Et c'est Allah qui reprendra vos âmes. Et c'est lui qui vous ressuscitera après votre mort afin de vous rétribuer chacun selon ses œuvres. Donc celui qui mérite d'être adoré, c'est bien évidemment celui qui vous a créé. Après, quand tu parles avec certains ignorants, certains ignares, certains abrutis, tu lui dis c'est Allah qui t'a créé, il te dit c'est ma mère qui m'a créé. C'est comme la question qui a mis au monde l'autre, le premier. La poule ou l'œuf. Il te dit, c'est ma mère qui m'a créé. Et c'est qui a créé ta mère? Il va te dire, c'est ma grand-mère. Allah al-Musta'an. C'est Allah qui nous a créé. Et subhanallah, ça me fait penser à cette théorie de ce qu'ils appellent la théorie de l'évolution, qu'ils veulent imposer aux gens. Wallahi, cette théorie, tu ne peux y croire. Wallahu a'lam, c'est ce que je pense. Que si tu as été élevé dans cette théorie, et tu as été éduqué dans cette théorie, et tu as grandi avec. Mais sinon, un homme qui réfléchit, un homme qui a toute sa raison, comment il peut s'imaginer qu'un singe est devenu un homme? C'est pour ça, à chaque fois que quelqu'un me dit ça, je lui dis, toi, peut-être, t'es descendant des singes. Vu ta face, peut-être, tu descends des singes. Mais moi, non, alhamdoulilah. Moi, je descends de Adam, alayhi salam, qu'Allah a créé. Et après, il ne l'accepte pas. Il veut que toi aussi, tu descends du singe. Ils disent, quand tu leur dis comment ça se fait que les singes ils sont devenus des hommes alors que ce phénomène il continue pas. Théoriquement, ça doit continuer. Il te dit non, ça se fait au bout de des milliards et des milliards d'années. Taïb, ça se fait au bout de milliards et milliards d'années. Pourquoi ça n'a pas continué et le lendemain du premier singe qui est devenu un homme? Est-ce qu'il n'y a pas un autre singe qui est devenu un homme et qu'on va voir aujourd'hui qu'il est devenu homme? Bien évidemment, c'est une théorie caduque qui n'a aucun fondement. Même même celui qui a inventé ce mensonge, qui est Darwin, lui-même, il a dit « ma théorie ne sera validée que si vous trouvez des étapes intermédiaires ». Parce que même pour lui, ce Darwin, même pour lui, c'est pas possible de passer, comme ils disent, du coq à l'âne. Faut forcément des étapes intermédiaires, chose qu'ils n'ont jamais trouvée sur Terre. Subhanallah. Et on va démentir tous les prophètes et messagers. Et on va rejeter leur message. Et on va rejeter sur quoi a toujours été l'humanité depuis Adam alayhi salam, et croire en une théorie qui n'a aucun fondement. Mais ça, c'est le fruit de l'enseignement de cette théorie à des enfants en bas âge. C'est pour ça que ces koufars, ils ont très très bien compris ça. Regarde aujourd'hui l'effort qui est fait par ces koufars afin d'inculquer aux enfants, d'une manière générale, que ce soit les enfants des koufars ou des muslimines, de leur inculquer l'homosexualité et de leur enseigner la tolérance de l'homosexualité. Pourquoi vous enseignez à des enfants en bas âge? Si c'est un phénomène naturel et si c'est quelque chose de normal, l'être humain, il arrivera à cette conviction, à cette tolérance tout seul. Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous enseignez ça à des enfants qui ne connaissent rien de la sexualité? Non, pour qu'ils grandissent avec cette tolérance. La nasie grandit, forcément, sa nature humaine saine va faire qu'il va rejeter ce phénomène mauvais et détesté par toute nature humaine saine. C'est pour ça que Allah Azzawajal a interdit cela dans la religion de l'islam. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens approximatif: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en ses messagers, Allah vous accordera alors deux parts de sa miséricorde. Et il vous donnera une lumière pour vous guider votre marche, pour guider votre marche, et pardonnera vos péchés, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. L'imam al-Tabari a dit dans son tafsir par rapport à ce verset, il a dit, Allah il dit à ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, parmi les gens du livre, la Torah et l'Évangile, craignez Allah en accomplissant ses obéissances. Craignez Allah en accomplissant son obéissance et en vous écartant de ses interdits. Et croyez en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Croyez en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa parole, yu'tikum kiflayni min rahmatih, il vous donnera le double de récompense pour votre foi en Jésus et les prophètes avant Muhammad et une autre récompense pour votre foi à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il est envoyé comme prophète et messager. Et la parole d'Allah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, et il vous donnera une lumière pour guider votre marche. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces gens-là, qu'il leur donnera une lumière, qu'il leur donnera une lumière pour guider leur marche. Et le Coran, avec le suivi du messager, est une lumière pour celui qui croit au livre d'Allah et au messager, et qui croit en leur véracité. C'est une guidée pour lui, pour celui qui a cru en Allah. Et la parole d'Allah, « وَيَغْفِرْ لَكُمْ » Allah vous pardonnera vos péchés, « وَيَغْفِرْ لَكُمْ » Il pardonnera, il effacera vos péchés. « وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ » Et Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Le pardon, le fait de pardonner, c'est un maghfira, c'est un attribut d'Allah. Comme le rahma, qui est un attribut d'Allah, la miséricorde, un attribut réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a rapporté un hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit « Mathalukum wa mathalu ahli kitab ka mathali rajulin istajara ujara faqala man ya'malu li min ghadwatin ila nisfin nahari ala qirat » Donc le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Votre exemple est l'exemple des gens du livre est comme l'exemple d'un homme qui a engagé des salariés. Et il a dit, celui qui travaille pour moi et qui fait ce travail qui lui sera confié, qui commence avec le début de la journée jusqu'à la moitié de la journée. Yani, la moitié de la journée, c'est quand le soleil est au zénith. Yani, jusqu'à Dhuhr. Qui travaille jusqu'à Dhuhr, il aura une kara comme récompense. Al-qirat. Al-qirat, c'est une unité de poids. Ça peut être un qirat d'or ou autre, ou d'argent, qui représente un douzième d'un dirham. Un dirham, c'est une pièce en argent. Al-qirat, il représente un douzième. En tout cas, il aura ce salaire contre ce travail qui va commencer avec le début de la journée qui se termine dans la moitié de la journée. Les Juifs ont œuvré. Ensuite, il a dit, celui qui travaille pour moi de la moitié de la journée jusqu'à l'Asr, jusqu'au temps de l'Asr, il aura un qirat. Il aura le même salaire. Les chrétiens ont œuvré. Et ensuite, il a dit, celui qui travaille pour moi du Asr jusqu'au coucher du soleil, il aura deux qirat, deux kara. Donc, une récompense double. Et vous êtes, ça, c'est l'exemple des muslimines. Les muslimines. Les juifs et les chrétiens se sont fâchés. Ils étaient en colère. Ils ont dit, pourquoi on a œuvré plus et on a eu moins de récompenses? L'homme leur a dit, est-ce que je vous ai diminué quelque chose de votre droit? Ils ont dit non. On a fait notre travail, tu nous as donné le salaire adéquat, on a eu notre droit et plus. Sans diminution. Il a dit, alors ça c'est mon mérite et c'est mon bienfait, je l'accorde à qui je veux. Ça c'est un exemple qui a été donné par le prophète, alayhi salatu wassalam, à cette communauté, la dernière des communautés, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son mérite par rapport aux communautés précédentes. Leur durée de travail, yani leur durée de vie, est inférieure à celle des nations d'avant nous. Et malgré cela, leur récompense est plus grande. Et ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'accorde à qui il veut. Donc, ce qui est voulu par les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Donc, notre exemple avec notre prophète, alayhi salatu wasalam, comme a dit le Hafidh ibn Hajar dans Fath al-Bari, il a dit, votre exemple, c'est-à-dire votre exemple avec votre prophète. Et l'exemple des gens du livre d'avant avec leur prophète, et il a donné cette parabole. Les juifs et les chrétiens se sont mis en colère, c'est-à-dire les mécréants parmi eux. Mais les croyants, ils ont accepté. Et ils se sont soumis. Et ils ont agréé le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est voulu par, ils se sont mis en colère, ils se sont fâchés, c'est les mécréants parmi les juifs et les chrétiens. Mais les croyants parmi eux, ils ont accepté la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, il dit Ibn Hajar rahimahullah, il y a un argument pour Ahl-Sunnah que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire, Allah il te donne pas parce que tu mérites. Allah il te donne comme bienfaisance et bonté de sa part. Allahu Akbar. Et ça c'est vrai. Car le serviteur, il ne mérite rien, il ne mérite rien en réalité. Qu'est-ce qu'il va mériter le serviteur? Le serviteur, il n'a œuvré qu'avec l'aide et le soutien d'Allah. C'est lui qui lui a donné l'envie et la volonté d'œuvrer. Et c'est lui qui lui a permis d'œuvrer. Et c'est lui qui lui a facilité cette œuvre d'obéissance. Et par bonté et bienfaisance de sa part, subhanahu wa ta'ala, il l'a récompensé sur cette adoration. Alors, qu'est-ce que le mérite? Qu'est-ce que le serviteur mérite dans tout cela? C'est un pur bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, aqidat al-sunnah wal-jama'a. Il a cité un deuxième hadith rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, selon Abu Huraira, Adallallahu anil jumu'a man kana qablana, fakan il yahudi yawmus sabt, walin nasara yawmul ahad, faja'a Allahu bina, fahadana li yawmul jumu'a, wakadhalika hum taba'u lana yawmul qiyama. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Allah a éloigné du jumu'a ceux d'avant nous. Les juifs, ils avaient le samedi et les chrétiens avaient le dimanche. Et Allah a fait sortir cette communauté qui a été guidée pour le jour de l'Jumu'a. Ça, c'est un mérite immense que ce soit notre jour, l'Jumu'a. Vous allez le comprendre. Donc, comme nous, ont été guidés vers le Jumu'a, les autres communautés nous suivront comme ils nous ont suivis dans le dunya, ils nous suivront dans l'au-delà. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. On est les derniers parmi les gens de dunya et les premiers le jour de la résurrection. On est les premiers car cette communauté, c'est la dernière des communautés. Et on est les premiers car cette communauté sera la première dans le mérite et la première dans l'entrée au paradis. Dans d'autres mérites. An-Nawawi rahimahullah, dans son explication de l'authentique de l'imam muslim, il a dit, les savants ont dit, Al-akhiruna min az-zamani wal-wujud. On est les derniers dans le temps et dans l'existence, et on est les premiers dans le mérite et dans l'entrée au paradis, car cette communauté entrera au paradis avant les autres nations. Dans une autre version du hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. C'est le jour qu'Allah nous a prescrit et vers lequel il nous a guidés. Il a dit, il y a une preuve dans ce hadith, dans cette version, que Al-Jumu'ah est obligatoire. Et il y a dans ce hadith le mérite de cette communauté. Al-Jumu'ah, il veut dire d'assister à Salat Al-Jumu'ah, est une obligation. Dans le hadith, le Nabi sallam a dit Al-Yahoudu Ghadan. Les Juifs, leur jour, c'est demain, c'est-à-dire le samedi. Le jour de fête des Juifs, c'est le samedi. Et Allah nous a guidés vers le Jumu'ah. Al-Qadi Al-Baydawi a dit, comme l'a rapporté de lui An-Nawawi rahimahullah, dans son tafsir de l'authentique de l'imam muslim, il a dit Allah a prescrit sur les communautés d'avant nous, les Juifs et les chrétiens, la vénération du jour de l'Jumu'ah, sans le déterminer. Sans le déterminer. Et il leur a laissé le fait de faire l'effort de trouver le jour et de déterminer le jour. C'est pour ça que les Juifs, avec leur effort, ils ont choisi le samedi. Ils ont choisi le samedi. Donc Allah ne les a pas guidés comme il nous a guidés. Nous, il nous l'a déterminé. C'est pour ça que les Juifs ont choisi le samedi et les chrétiens ont choisi le dimanche. Il viendra une explication pourquoi ils ont choisi le dimanche, le samedi, pour les Juifs. Ils ont choisi le samedi parce qu'ils ont dit c'est le jour où Allah a fini sa création. Et comme Allah a créé toute sa création, il l'a fini le samedi, donc les créatures doivent vénérer ce jour-là et se libérer pour l'adoration exclusivement dans ce jour-là. C'est pour ça qu'il l'appelle le jour de repos. Et les chrétiens, ils ont dit, on doit vénérer le dimanche. Pourquoi? Ils ont dit parce que Allah a commencé sa création un dimanche. Il a commencé sa création un dimanche. Et c'est le jour de commencement qui doit être vénéré et dans lequel on se doit d'être reconnaissant. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi le dimanche. Allah a guidé cette communauté vers ce jour qui est vénéré chez les musulmans, le jour de l'Jumu'ah, et qui est vénéré par les anges dans le ciel, qui s'appelle le jour de l'Mazid, de l'augmentation. C'est le jour dans lequel tous les gens du paradis verront Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque Jumu'ah. Et dans ce hadith, il y a une preuve, comme il dit Nawawi rahimahullah, pour Ahl Sunnah wal Jama'a, que Allah a prédestiné toute chose, bien comme mal, et que la guidée et l'égarement, et le bien et le mal, tout ça est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la croyance de Mu'tazila, qui croit que c'est le serviteur qui crée ses actes et non pas Allah. Gloire et pureté à Allah de ce qu'ils disent. Allah a tout créé. Il poursuit, rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, en rapportant du prophète, alayhi salatu wassalam, sa parole, « Ahabbu d-dini ila Allahi al-hanifiyyati » أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. La religion la plus aimée par Allah, c'est الحنيفية. الحنيفية, c'est l'entière soumission. السمحة, qui est facile. L'entière soumission, facile, dans laquelle il n'y a pas de gêne. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit par rapport à ce hadith, أحب الدين, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام, il veut dire les meilleures législations qui sont les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, car toutes les législations de l'islam sont aimées par Allah. mais il y en a qui sont plus aimés que d'autres par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui évolue. Donc, qu'est-ce qui est le plus aimé par Allah? C'est les législations dans lesquelles il y a une entière soumission et qui sont faciles. Et c'est pour ça, subhanallah, parmi les adorations les plus aimées par Allah, d'une manière absolue, c'est quoi? C'est ad-du'a. Cette adoration très facile. Tu peux être assis, tu peux faire une tâche et invoquer Allah. Que ce soit l'invocation où tu demandes quelque chose ou l'invocation où tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah. Et aussi, ad-du'a, c'est un pur tawhid, car tu demandes à Allah seul et tu demandes à personne en dehors de lui. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbu d-dini ila Allahi al-hanifiyatu samha » Donc ça, c'est une explication de ce hadith. Il y a une deuxième explication qui a été donnée par al-Hafidh ibn Hajar, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ahabbu d-dini ila Allah » c'est la comparaison de cette législation de l'islam avec laquelle a été envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comparée aux autres législations. Comparé aux autres législations des autres prophètes avant qu'elles ne soient falsifiées et abrogées. Ça, c'est une autre explication. Donc, le Hanifiya, comme vous savez, c'est la voie de Ibrahim, alayhi salam. Et le Hanif, c'est celui qui s'écarte. C'est pour ça qu'on appelle un homme Hanif, ou Ahnaf, quand il a une jambe de travers ou en biais. Yani, le hanifiya, c'est le fait de s'écarter de shirk. Et celui qui s'écarte de shirk, il est forcément dans le tawhid. Il est dans le tawhid. Et elle a été décrite comme samha, car elle est facile. Elle est loin de toute gêne et de toute contrainte. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ Il ne vous a soumis à aucune gêne dans cette religion qui est celle de votre père Ibrahim. La gêne est levée. Mais quand on parle de la gêne qui est levée dans la religion, bien évidemment, on parle de la gêne au-dessus de la normale. Quelqu'un, il peut se dire, moi, pour sortir de mon lit le matin, quand il fait froid, et me rendre à al-jama'a, il y a une gêne pour moi. Naam. Ça, c'est une gêne supportée. C'est une gêne légiférée. C'est une gêne récompensée. La gêne, c'est quand t'es malade et tu peux pas te rendre à la mosquée. Si tu te forces, tu vas y arriver, mais avec une gêne au-dessus de la normale. C'est pour ça que tu es excusé et tu peux faire salat chez toi. Le dernier athar qu'il a cité dans ce chapitre, avec lequel nous allons terminer, inshallah, selon Ubay ibn Ka'b, un athar précieux. C'est la parole de Ubay ibn Ka'b. Un athar à mémoriser et à connaître. Car dans ce athar, il y a énormément de fawaïd. Je vais en citer quelques-unes, inshallah ta'ala. Selon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il a dit, alaykum bis sabili wa sunnah. Cramponnez-vous à la voie et à la sunnah. Au chemin et à la sunna, فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. Il a dit, car il n'y a pas de serviteur qui évoque Allah tout en étant sur la voie et la sunna, et qui pleure ensuite, suite à cette évocation d'Allah, il pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce serviteur, il ne sera pas touché par le feu. Il ne sera pas touché par le feu. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة كما تحات عن هذه كما تحات عن ورق هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سنة وسبيل أو في خلاف سبيل وسنة. Donc il dit, رضي الله عنه, Ubay ibn Ka'b, le grand compagnon, le mémorisateur du Coran, pendant le vivant de Nabi alayhi salatu wassalam, parmi les compagnons qui ont mémorisé la totalité du Coran pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont pas très nombreux, ils sont 4 ou 5, jusqu'à 10 maximum. Et c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire de lui réciter Sourate Bayyina. Et c'est lui à qui le prophète alayhi salatu wassalam il a dit Ya Ubayy, quel est le verset le plus immense dans le Coran? Il a dit Ayat al-Kursi. Le Nabi alayhi salam, il a dit de lui, Ubayy, aqra'u ummati. Le plus grand savant dans le Coran de cette communauté, c'est Ubayy ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Donc, il dit, attachez-vous et cramponnez-vous à la voie et la sunna, car il n'y a pas un serviteur qui est sur la voie et la sunna. Regardez la condition. Pas un serviteur qui est sur les innovations. Pas un serviteur qui est dans Sophia et dans Rafida. Tu les vois pleurer. Tu vois les chrétiens et les juifs pleurer. Mais ce qui est demandé, c'est de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant sur ce que Allah aime. Et ça, c'est la cause de ne pas être touché par le feu de l'enfer. Et ensuite, il a dit, il n'y a pas un serviteur qui, sur la voie et la sunna, quand il évoque le tout miséricordieux, sa peau frissonne par crainte d'Allah, sans que ses péchés ne tombent comme les feuilles d'un arbre, les feuilles d'un arbre, les feuilles sèches d'un arbre tombent. Quand les feuilles deviennent sèches, les feuilles de l'arbre, elles tombent. De la même manière, ses péchés tombent. Allahu Akbar. Et ensuite, il a dit, wa inna iqtisadan fi sunnah. Ça, c'est la chose pour laquelle l'imam Mohammed ibn Abdelhab a rapporté ce athar. Wa inna iqtisadan fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Fi khilafi sunnatin wa sabil. Regardez le fiqh du sahaba. Il te dit d'être économe et de faire peu dans la conformité à la voie et à la sunna est meilleur que de redoubler d'efforts, que de doubler d'efforts, afwan, que de doubler d'efforts dans autre que la voie et la sunna. Allahu Akbar. Donc l'imam Abdelwahab a rapporté jusqu'à ici. Ce athar, il est rapporté avec une version un peu plus longue dans laquelle il a dit ensuite, il a dit فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. Il a dit, soyez attachés alors que vos œuvres soient avec beaucoup d'efforts ou peu d'efforts, dans les deux cas, l'ijtihad ou l'iqtisad. Que tu sois mujtahid ou que tu sois muqtasid. L'iqtisad, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Que tu sois dans cela ou dans les efforts importants, sois attaché à ce que tu sois dans la conformité au minhaj l'anbiya, il a dit. À la méthodologie des prophètes, et à leurs traditions. Allahu Akbar. Donc, ce qui est demandé, c'est d'être dans le juste milieu. Le juste milieu qui est entre les deux extrêmes, l'exagération et le laxisme. Car l'islam, c'est un juste milieu dans, comparé aux autres religions. Et la sunna, c'est un juste milieu comparé aux innovations. Les innovations de Sofia, qui sont un laxisme, et les innovations de l'Khawarij, qui ont une exagération. Et la religion d'Allah est entre celui qui exagère et celui qui est laxiste. Donc ce qui est demandé, mes frères, c'est d'être dans la voie des prophètes et dans la tradition des prophètes et dans la sunna des prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est ça qui est demandé de nous tous, même si on ne fait pas beaucoup d'œuvres. C'est demandé de multiplier les œuvres. Lakin, même si tu ne fais pas beaucoup d'œuvres, sois dans la conformité à la sunna dans tout ce que tu fais. Et si Allah il te permet de faire davantage de jihad et davantage d'œuvres, sois également attaché à ce que tu sois dans la conformité à la sunna. Car c'est ça qu'Allah accepte. Donc, il a cité ici deux fondements. Il a cité deux fondements. Le premier, c'est al-i'tisam, le cramponnement à la sunna. Et le deuxième, c'est l'iqtisab, le juste milieu. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim par rapport à ce athar dans Madarij al-Salikin, il a dit car Shaitan, il vient renifler ton cœur. Il sent ton cœur, le cœur du serviteur. Il le teste. S'il voit en toi un éloignement de la soumission et du suivi à la sunna, il y a des serviteurs, il y a des muslimines, tu vois en eux un attachement à être dans la sunna dans toute chose. Quand Shaitan y voit de toi ça, un attachement à la sunna, et que tu es attaché à être dans la conformité à la sunna dans toute chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'ordonner de doubler d'efforts jusqu'à te faire sortir de ce juste milieu, de l'iqtisab. C'est pour ça, celui qui est dans l'attachement à la sunna, il lui est demandé l'iqtisab, de rester attaché à cette sunna. Et c'est ça qui est arrivé au Khawarij. Il s'attache au livre d'Allah et à la sunna du prophète, mais après, il les a fait pousser vers des interprétations qui sont pas conformes avec la compréhension du prophète de ces textes. Et ils sont tombés dans l'exagération. Si Shaitan y voit en toi une faiblesse d'attachement à la sunna, alors là, il va faire sortir du premier fondement, qui est l'i'tisam, le cramponnement à la sunna. Et s'il voit en toi un attachement à l'i'tisam, il va essayer de te faire tomber dans ce qui contredit l'iqtisad. C'est pour ça, ce qui est demandé au serviteur, c'est les deux. C'est d'avoir l'i'tisam, le cramponnement à la sunna, et le cramponnement au texte avec la compréhension du salaf, et d'être en garde contre toute exagération ou laxisme, et de rester toujours dans ce juste milieu sur lequel était le prophète, alayhi salatu wassalam, et les paroles rapportées des salafs à leur tête, les compagnons, radiyallahu anhum, dans ce sens-là, sont extrêmement nombreuses. Parce que c'est ça le manhaj salafi, c'est de comprendre ce athar. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, il dit, « Al-iqtisadu fi sunna » De faire peu dans la conformité à la sunna est meilleur que de faire beaucoup dans l'innovation. Le Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, amalun qalilun fi sunna khayrun min amalin kathirin fi bid'a. Peu d'œuvres dans la conformité à la sunna sont meilleures que beaucoup d'œuvres dans l'innovation. Et selon Abu Darda, radiyallahu anhu, il a dit, يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. الله أكبر. Selon Abu Darda رضي الله عنه, le sage de cette communauté, حكيم الأمة رضي الله عنه, il a dit: en louant, en faisant les éloges au sommeil des doués de bon sens. Et on va comprendre qui ils visent. Leur sommeil, et même quand ils jeûnent pas, ils mangent et ils ne jeûnent pas, il dit comment ils peuvent yani, jalouser ceux qui veillent la nuit en salat et qui jeûnent la journée tout en étant des fous. Et ensuite, il a expliqué ça. Il a dit, mithqalu dharratin, l'équivalent d'une toute petite fourmi, le poids d'une toute petite fourmi de piété avec crainte d'Allah et certitude est meilleur et prévaut, elle prévaut et elle est meilleure auprès d'Allah que l'adoration de ceux qui sont leurrés par Shaitan. Yani, pour résumer ce athar, quand œuvre pour Allah avec sincérité et attache-moi à la sunna, même si tu fais peu, t'es meilleur que celui qui fait beaucoup et qui est dans l'ostentation et qui parle de ses adorations et qui fait des innovations et ainsi de suite. D'où l'importance de s'attacher à la sunna et de s'attacher au manhaj salafi et de s'éloigner de tout ce qui s'oppose à la voie de salaf et à leur tête les prêcheurs de l'égarement qui sont nombreux à notre époque. La kassarahumullah. Soyez attachés tous à la sunna. Et votre attachement à la sunna, il commence par savoir de qui vous prenez votre religion. Surtout avec le fitan de ces réseaux sociaux et de l'accessibilité des informations et de ces vidéos qui sont propagées partout. Patientez mes frères, patientez dans le haqq, patientez sur la sunna jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce qui compte, c'est pas d'être guidé dans la vérité, mais c'est de mourir dans la vérité. Qu'Allah prenne nos âmes dans l'unicité d'Allah pur et dans l'attachement à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.